Bolondo et toi, son vrai c'est pour bien à Tata. Et dans ton silveto, et dans ses rythmes de l'orchestre. Bolondo et toi, son vrai c'est pour bien à Tata. Et dans ton silveto.